إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الواحد والخمسون في دراسة المورد لعدب الزلال للشيخ العلامة النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سنتخو 51e cours dans le livre de La source délicieuse et abondante de son éminent Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala. Wa nahnu fil bab al-13 wal akhir. Yaqulu rahimahullah ta'ala bab fadl al-iltizam bis sunnah wa mutaba'atiha. Et nous sommes au dernier chapitre. Il dit rahmatullah alayh, le titre de ce chapitre les vertus du fait de se cramponner à la sunna et de suivre la sunna. Fa nasaba rahima rasaba an yakhthuma hadha al-kitab bi hadha al-bab. Yan alladhi yakshifu hadhihi al-akhtar wa yubayyin hadhihi al-makhatir. Alladhi yakshifu al-akhtar, akhtar hadhihi al-jama'a wa yubayyin hadhihi al-makhatir allati 'alayha hadhihi al-jama'at huwa al-iltizam bis-sunna wal-mutaba'ah. والمنجي من هذه الضلالات والأهواء هي السنة ومتابعتها، وكما قال بعض السلف: لا تنظر لمن هلك كيف هلك، ولكن انظر لمن نجا كيف نجا. فالإنسان عليه أن ينظر إلى السنة ويتعلم السنة، لأن هذه الأهواء والضلالات لا حد لها، نعوذ بالله منها ومن أهلها. والله عز وجل دونكم شيخ لا نسرون كونتر de l'excellence de l'organisation du livre avec ses titres qui se suivent. Et il convenait de conclure ce livre avec ce dernier chapitre, qui est le fait de se cramponner à la sunna et de suivre la sunna de Prophète. Parce que le fait de connaître la sunna et d'apprendre la sunna et de s'occuper de la sunna, ceci te montre le danger dans lequel baignent ces groupes, et les erreurs et l'énormité de la voie dans laquelle sont ces groupes. Et ce qui se montre aussi que ce qui sauve de l'égarement et du fait de suivre ses passions, c'est de suivre la sunna de Muhammad alayhi salatu wasalam. Et comme on dit certains de nos puiseurs, d'Allah alim, ne regarde pas comment les gens ont péri, ne regarde pas ceux qui y ont péri, ne cherche pas à regarder, ne va pas voir comment les autres ont péri, mais regarde ceux qui ont été sauvés, comment ils étaient sauvés. Ceux qui ont été sauvés, comment ils étaient sauvés. Donc il est de notre devoir de regarder doublement la sunna et d'apprendre la sunna et de la mettre en application, car c'est elle qui nous montre ces voies de l'égarement et qui nous préserve aussi du fait de s'égarer. Car les égarements et les voies des passions n'ont pas de limite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Yaqulu rahimahullah ta'ala, qala Allah azza wa jal, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaikatu an la takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Et rahmatullah alayhi, il a commencé ce chapitre par ce verset du Coran, dans Sourate Fussilat, verset 30 à 32. Et ceux qui ont dit notre souverain c'est Allah, ils ont pris le chemin droit. Ceux-là, au moment de la mort, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. Et ne soyez pas attristés de ce que vous avez fait auparavant ou là de ce que vous allez laisser derrière vous. Et on vous annonce le paradis qui vous a été promis. Ne sont vous alliés dans ce bas monde et dans le delà. Et dans le delà, vous avez ce que vous avez envie. Hein? Tout ce que vous aurez envie, vous l'aurez. Et vous avez là-bas tout ce que vous demandez. Et ça, c'est une place que Allah subhanahu wa ta'ala, que le clément et le pardonneur vous a donné. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الاستقامة هي إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Et l'istiqama, de dire, le Cheikh nous donne l'interprétation de l'istiqama, il dit c'est le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah et de suivre le messager d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Ibn Kathir rahimahullah a dit, pour l'interprétation de ce verset, et ceux qui ont dit notre souverain est Allah, ils ont pris le chemin droit, cela, ça veut dire qu'ils ont accompli des actes sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Ils ont obéi à Allah Azza wa Jal, comme l'aura ordonné Allah Azza wa Jal, comme l'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans l'authentique de Muslim, de Sufyan ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il dit, j'ai dit à Rasulallah, dis-moi quelque chose dans l'islam, et après cette chose, je ne demanderai rien à personne. J'aurai cette chose que tu vas me dire, qu'après j'aurai besoin de demander rien à personne. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, je crois en Allah, et sois droit, et sois droit. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ay istaqamu, yaqul ibn Abbas, istaqamu ala adai fara'idih, wa kada qala qatada. وقال أبو العالية ثم استقاموا أخلصوا له الدين والعمل وكان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Et d'Ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agré, dit ceux qui ont dit, hein, Allah c'est notre souverain et après ils ont pris la droiture, ceux-là en accomplissant les ordres d'Allah Azza wa Jal. Mettons en application ce que veut dire Allah Azza wa Jal. Ainsi, il a dit Qatada, et Abu al-Aliya a dit Thumma istaqamu, ils ont pris le chemin droit. Ça veut dire qu'ils ont accompli la religion sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et tous les actes qu'ils ont faits, ils les ont faits sincèrement pour Allah. Il Hassan al-Absir rahmatullah alayh disait, oh Allah, donne-nous l'istiqama, donne-nous la droiture, fais de nous que nous prenions. Ah, que nous ayons la droiture dans ce que nous faisons, que nous soyons droits dans ce que nous faisons. Amin ya Rabbil Alamin. Tatanazzalu alayhum al-malaika, qala Mujahid wa Sudayy wa Zayd ibn Aslam wa ibnuhu, ya'ni 'inda al-maut, qa'ilina la takhafu, qala Mujahid wa Ikrimah wa Zayd ibn Aslam, ay mimma taqdimuna alayhi min amr al-akhirah. Et en ce qui concerne, hein, les anges descendent sur eux, Mujahid ainsi que Sudayy et Zayd ibn Aslam et son fils, dit, les anges descendent sur eux au moment de la mort. Ils leur disent, n'ayez pas peur de ce que vous avez fait et n'ayez pas peur de la situation vers laquelle vous allez, n'ayez pas peur de la situation de l'au-delà. Mujahid et Ikrimah et Zayd ibn Aslam dit, n'ayez pas peur de la situation vers laquelle vous allez, de votre futur vers lequel vous allez, que vous connaissez pas, qui est le delà. ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنه نخلفكم فيه. Et en ce qui concerne, ne soyez pas tristes et ne vous attristez pas. Ne vous attristez pas sur les choses que vous avez laissées derrière vous. Les choses de ce bas monde, ou vos enfants, ou votre fortune, ou un crédit que vous avez fait, nous allons vous remplacer dans tout ce que vous avez laissé derrière vous. Et le verset de continue de dire, يَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ فَيُبَشِّرُونَهُمْ بِذَهَابِ الشَّرِّ وَحُصُولِ الْخَيْرِ وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبَرَّاءِ بْنُ عَازِبْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أن الملائكة تقول للروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الله أكبر. Et ابن كثير de continue de dire, et on vous annonce le paradis qui vous a été promis. Il leur annonce qu'il n'y aura aucun mal qui va les atteindre, qu'ils vont avoir que du bien. Comme il a été rapporté dans le hadith authentique, le hadith authentique, dans lequel Barra ibn Azim, Barra radiallahu ta'ala, dit que les anges disent à l'âme du croyant, à l'âme du croyant, sors âme bénite, sors noble âme, sors âme noble, âme pure, qui était dans un corps pur, qui a rempli ce corps pur, sors vers les bonnes odeurs, et sors vers ton Seigneur qui n'est pas en colère. Et sors vers ton Seigneur qui n'est pas en colère. وقيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. Il a été dit aussi pour ce verset que les anges descendent chez le jour sur eux le jour où ils vont sortir de ces tombes. Et ceci a été rapporté par ibn Jarir, de ibn Abbas et de Sudayh. Mais les hommes de science disent que le premier cas, c'est le cas le plus avenant. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السجدة حتى بلغ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان الذين كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. Ibn Hatim rahimahullah, Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, dit que Abu Zar'a leur a dit, il le rapporte d'Abd Islam de Mithar, qui le rapporte de Ja'far ibn Sulayman. Il a dit, Ja'far ibn Sulayman, il a dit, j'ai entendu Thabit lire Surat Hamim, Surat Sijda, la Surat de la Prestornation. Et quand il est arrivé à la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit, et ceux qui ont dit notre souverain c'est Allah, ils ont frais, ils ont pris la droiture, ceux-là, les anges descendent sur eux. Il s'est levé, Thabit s'est levé à ce moment-là. Il a dit, il nous a été transmis que le serviteur croyant, quand Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter de sa tombe, les deux anges qui l'accompagnaient dans ce bas monde vont l'accueillir. Ils vont lui dire, n'aie pas peur, il ne soit pas attristé. Et ils vont lui annoncer, wa bishiru i. On vous annonce le paradis qui vous a été promis. Et il a dit, et dans ce cas-là, il va avoir la sécurité min Allah Azza wa Jal. Et il n'aura pas à avoir peur. Et il va avoir, là au moment, le jour de la résurrection, tout le monde, où les situations étaient énormes, et lui, la prunelle de ses yeux, il aura, ça, il va être dans une quiétude totale. Il ne sera pas attristé. Et toute belle chose et toute prunelle des yeux, Allah subhanahu wa ta'ala guidera ce croyant vers les bonnes choses et vers la quiétude. Pourquoi? Pour les œuvres qu'il accomplissait dans ce bas monde. وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره ويوم يبعثه. رواه ابن أبي حاتم وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع. Donc Zayd ibn Aslam il dit, ils vont lui annoncer la bonne nouvelle au moment de sa mort. Ils vont lui annoncer la bonne nouvelle dans sa tombe. Et ils vont lui annoncer la bonne nouvelle au moment où il sera ressuscité. Et ceci est rapporté par Ibn Abi Hatim. Et là, hein, à la marge, l'annotation d'Al-Shir, il dit, et ça c'est la parole qui réunit tout. Et c'est une bonne parole. Et c'est la réalité. Yaqul al-Shir, rahimahullah ta'ala, qultu, لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد. Donc le cheikh de nous dire, il ne sera pas parmi les gens de cette bonne nouvelle que celui qui a vécu sa vie dans ce bas monde sur la voie du puiseur d'Allah alim et sur le dogme authentique et sur le dogme du puiseur et sur le monothéisme. Celui qui aura accompli sa vie sur le monothéisme et sur la voie du puiseur et sur la aqida d'Yel Salaf, c'est ceux-là qui vont avoir cette bonne nouvelle min Allah azza wa jal. Vous avez des sons, barakallahu fikoum. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أخرجه ابن ماجة في المقدمة رحمه الله تعالى، أي في مقدمة سننه. Et Cheikh de ramener un hadith, il dit pourquoi qu'il n'y a que les salafis qui ont vécu, qui ont accompli le monothéisme sur leur vie et qui ont suivi hein, la voie de leur puiseur, d'Allah alim, la voie du prophète alayhi salatu salam et de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection, que ceux qui vont avoir la bonne nouvelle. Il dit la preuve aussi, elle est dans ce hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous en enfer sauf une. Ils ont dit laquelle est à Rasulallah? Il a dit ceux qui sont sur la même voie, moi et mes compagnons. Ceux qui seront sur la même voie, moi et mes compagnons. Et dans leur vie, ils étaient droits et ils étaient ancrés et ils étaient constants sur la voie du puiseur d'Allah alim. Sur cette voie que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a laissé à ses compagnons. Et sur la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Et comme il a dit alayhi salatu salam, dans ce hadith aussi rapporté par Ibn Majah, dans son introduction, je vous ai laissé sur une voie claire. Le jour et la nuit sur cette voie sont claires. Il ne divise de cette voie que celui qui cherche sa perte. فَمَنْ زَغَ عَنِ الطَّرِيقِ Ikhwat al-Islam, aussi une chose très importante. Certains vont dire, vous ne connaissez que ce hadith du groupe. Hein? Ce hadith du groupe, à la fin, il porte l'emblème de la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Comment ne pas lui donner de l'importance? Et ce hadith, c'est une pierre dans la gorge des Hizbi et dans la gorge de ceux qui ne suivent pas la voix du Prophète. Ce hadith est une épine sur leur chemin parce que il les met contre le mur. Vous prétendez être sur la droiture, prouvez-le. Prouvez que vous êtes sur la voie de Mohammed alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons. C'est la seule voie qui est, qui est agréée min Allah azza wa jal. Et aussi dans ce hadith, ils peuvent te dire, vous rendez mécréants tous les musulmans. La akhal islam. Ce hadith, les hommes de science lui ont donné une explication. Les 72 groupes qui vont aller en enfer, il y a certains, leur divergence avec le prophète alayhi salatu salam et avec la voix du puiseur d'Allah alim va être du domaine de la mécréance. De cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'associationnisme comme ceux qui croient en l'unicité de l'existence. Il est évident que ceux-là, s'ils y croient, ils savent ce qu'ils font, comme Ibn Arabi, Al-Hillaj, Ibn Al-Farid, tout ça, ils seront éternellement au feu de l'enfer. Mais il y a des gens et des groupes qui leur divergence avec la voix de Mohammed alayhi salam ou de ses nobles compagnons n'est pas du domaine de la mécréance. Cela, il reste sur le vouloir d'Allah azza wa jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala les châtie, c'est justice min Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, ça c'est un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala comble qui il veut. Enfin, il était très important de rappeler tout ça parce que chaque fois, il y a toujours des gens qui te ramènent des ambiguïtés sur ce hadith. فمن زاغ عن الطريق إخوة الإسلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح زناته فمن زاغ عن الطريق الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك ومن اتبعها فقد نجا وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وعلى ذلك دلت الأدلة فمنها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc le cheikh de nous dire رحمة الله عليه et celui qui dévie de cette voie claire que nous a légué le prophète عليه الصلاة والسلام, cette voie que nous a laissé Mohammed عليه الصلاة والسلام et à laquelle il a fait allusion dans ce hadith, le hadith du groupe, ce qui est la voie qui une voie qui s'accomplit avec quoi? Avec le fait de réserver le culte exclusivement qu'Allah Azza wa Jal, qu'on adore qu'Allah Azza wa Jal, et qu'on l'adore avec ce qu'a légiféré son prophète, alayhi salatu wassalam. Ben, celui qui délaisse cette voie, ben, il a péri. Et celui qui la suit, il est sauvé. Beaucoup parmi nous, plusieurs d'Allah alayhi me disent que la législation du prophète alayhi salatu wassalam et la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est comme l'arche de Nuh alayhi salatu wassalam. Celui qui est monté dans l'arche, ben il sera sauvé, il a été sauvé. Et celui qui n'a pas monté dans l'arche, ben il a péri. La même chose maintenant pour nous, la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui l'a mis en application, ben il sera sauvé. Et celui qui donne le dos à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui la néglige, ben il périra. Et les preuves sont nombreuses dans le Coran. Et cher de nous citer deux paroles dans le Coran, où vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à son messager quand il vous appelle pour ce qui va faire votre vie. Ils sont vivants, ils sont croyants. Mais il leur dit, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il appelle vers ce qui va faire votre vie. Ça veut dire que la bonne vie et la meilleure vie, il est dans le fait d'être soumis à Allah, Azza wa Jal, dans le fait d'obéir à Allah, Azza wa Jal. Et le verset, il continue de dire, et sachez que Allah, subhanahu wa ta'ala, s'interpose entre eux, la personne et son cœur. Et vers Allah, subhanahu wa ta'ala, vous allez revenir et préservez-vous d'une fitna qui va pas arriver tout simplement à ceux qui étaient injustes parmi vous en particulier. Mais sachez que Allah, subhanahu wa ta'ala, son châtiment est douloureux. Dans l'autre hadith, il est dit, qu'il fasse attention ceux qui sont en divergence avec l'un de ses ordres. L'ordre de qui? De Mohammed alayhi salatu wassalam. Et l'imam Ahmed a dit, pour cet ordre-là, ici, dans ce verset, que cette personne ne rejette pas des paroles du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à tomber dans la mécréance et dans l'associationnisme. Qu'il ne leur arrive pas quoi? Il ne leur arrive pas le fitna. Et que, hein, le fitna ici, c'est l'associationnisme. Qu'il ne tombe pas dans l'associationnisme, comme a dit l'imam Ahmed, à rejeter, à mettre de côté les paroles de Mohammed alayhi salatu wassalam et le sunnah de Mohammed alayhi salatu wassalam jusqu'à tomber dans l'associationnisme. Ou qu'il ne leur arrive pas le grand châtiment. Voyez ce qu'il découle du fait d'être désobéissant à Mohammed alayhi salatu wassalam, du fait d'être en divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Maintenant que chacun de nous regarde, combien de divergences nous sommes avec le prophète alayhi salatu wassalam? Qu'on regarde autour de nous, dans les mosquées, dehors un petit peu partout, combien de divergences sont tombées les musulmans vis-à-vis de la sunna de leur prophète alayhi salatu wassalam? À longueur de journée. Et on n'a pas peur du châtiment. On n'a pas peur de la perturbation. On n'a pas peur et on continue, on s'entête à être en divergence avec la sunna de Mohammed alayhi salam. Et on trouve parmi les minus qui nous entourent, mais ce n'est qu'une sunna. A'oudou billah, a'oudou billah. La sunna, c'est la religion. La sunna, c'est l'arc de Nuh. Hein? C'est elle qui va te permettre d'être sauvé. Dépouille la prière de tes sunna. Qu'est-ce qui va rester? Une carcasse à l'islam. Hein? Prends par exemple la prière. Enlève toutes les sunna qu'il y a dedans. Par exemple, tu dis Allahu Akbar parce que c'est obligatoire. Du'at l'istiftah, tu le dis pas. A'oudou billahi samil alim, tu le dis pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu le dis pas. Et tu lis le Fatiha parce que c'est obligatoire. Et après, la surah, tu la dis pas. Parce que c'est pas obligatoire. Et ainsi de suite. Tout ce qui n'est pas obligatoire dans la prière, enlève-le. Qu'est-ce qui va te rester dans la prière? Est-ce que c'est une prière qui correspond à l'ordre d'Allah Azza wa Jal? Accomplissez la prière comme, hein, accomplissez la prière comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. L'accomplissement de la prière, c'est de la ramener comme il se doit, avec ses piliers apparents et cachés, et de un accomplissement au niveau de l'intérieur de la personne, ou au niveau dans sa apparence, à ramener les gestes qui correspondent au hadith du prophète, alayhi salam, priez comme vous m'avez vu prier. Hada, c'est un seul exemple. Regarde les divergences avec lesquelles on est. Hein, certains parmi nous, ils ne se plaisent qu'à être, hein, c'est des musulmans, mais ils ne se plaisent qu'à être devant une glace et à jeter les trois poils qui sont dans leur visage, sur leur visage, et à les jeter dans la poubelle et dans le lavabo. Et à les donner gratuitement. Hein? Ils payent même pour pouvoir les enlever. Hein? Ils veulent et ils crient. Nous voulons libérer la Palestine, nous voulons libérer l'Irak. Ils se sont même pas libérés eux-mêmes de leur passion. Ils n'ont pas écrasé leur nefs, ils soumis leur nefs à accomplir la sunna de Mohammed alayhi sallam. Ils vont libérer, ils vont rien libérer. Ils se sont pas libérés de leur passion. Il faut d'abord qu'on se libère de nos passions et qu'on donne à Allah Azza wa Jal ce qu'il veut de nous et qu'on obéisse à Allah Azza wa Jal et qu'on accomplisse la sunna de Mohammed alayhi sallam pour que la promesse d'Allah Azza wa Jal et l'honneur qui est promis à ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal, on le mérite. On veut l'honneur, la gloire, la suprématie et on ramène pas les moyens, la soumission à Allah et le suivi de Mohammed alayhi sallam et de ses nobles compagnons. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها لا يفقها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالسنة. Donc, il cherche, Hafidhahullah Ta'ala, Rahimahullah Ta'ala, de nous prendre une autre preuve dans la sunna du prophète, alayhi sallam, et notamment dans l'authentique, dit l'imam Bukhari, dans le livre qu'il a réservé tout simplement, il lui a donné le titre, le fait de se cramponner à la sunna du prophète, alayhi sallam. Et ce hadith, qui vient de la voix de Jabir ibn Abdillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, il dit que, les anges sont venus vers le prophète alayhi salam alors qu'il était en sommeil. Certains anges ont dit il dort, d'autres disent non, l'œil dort, mais le cœur il est éveillé. Et ils ont dit pour votre ami là, pour votre compagnon là, donnez un exemple. Donnez-nous un exemple de cet homme, hein, c'est-à-dire du prophète alayhi salam. Certains ont dit il dort, les autres ont dit non, l'œil dort, mais le cœur il est éveillé. Ils ont dit donnez-lui un exemple. Ils ont dit son exemple, c'est comme un homme qui a construit une maison et il a dressé une table et il a fait un repas. Et il a envoyé quelqu'un pour appeler les gens. Celui qui répond à ce quelqu'un qui a été envoyé par celui qui a construit la maison et qui est rentré dans la maison et qui a mangé du repas qui a été servi, celui qui est rentré dedans, qui a mangé, celui-là, il a répondu à l'appel. Et celui qui n'a pas répondu à l'appel, qui n'est pas rentré à la maison et qui n'a pas mangé de la table qui a été dressée, hein? Il dit, les gens se sont divisés en deux. Certains, ça c'est l'exemple qu'il donne de Mohammed alayhi sallam. Moi, il a construit la maison. Il a fait un repas. Il a servi un repas dans son maison et il a appelé les gens à rentrer dans cette maison. Donc il y a des personnes qui ont répondu à son appel, qui sont rentrées, qui ont assisté au festin. Il y a d'autres qui n'ont pas répondu, qui ne sont pas rentrés à la maison et qui n'ont pas mangé du festin qui a été servi. Et les anges ont dit, donc interprétez-lui pour qu'il puisse la comprendre. Interprétez-la pour qu'il puisse la comprendre. Certains ont dit, il dort. D'autres ont dit, l'œil dort et le cœur, il est éveillé. Et ils ont dit, pour l'interprétation, ils ont dit, la maison, c'est le paradis et Da'i, le prêcheur, c'est Mohammed alayhi sallatou salam. Celui qui oublie Mohammed alayhi sallatou salam, il a oublié Allah. Et celui qui désoublie Mohammed alayhi sallatou salam, il a désoublié Allah azza wa jal. Celui qui oublie Allah azza wa Mohammed alayhi sallatou salam, il a oublié Allah. Et celui qui désoublie Allah, qui désoublie Mohammed alayhi sallatou salam, il a désoublié, hein, au messager alayhi sallatou salam. Le hadith, il est authentique. Bah, regarde, ma sœur, toi, quand tu sors exhibé dans les rues, à qui tu as oublié? Rasoul sallallahu alayhi sallam, il t'a ordonné de faire le hijab. Comme il te l'a ordonné Allah Azza wa Jal. Toi le frère aussi, quand tu te rases ta barbe, à qui t'as oublié? Est-ce que t'as oublié à Mohammed alayhi sallam? Non. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il t'a ordonné de hausser tes vêtements, que tes vêtements soient au-dessus de ta cheville, et que toi tu traînes tes pantalons par terre et tu suis avec les urines qu'il y a, des chiens qu'il y a sur les trottoirs, à qui t'as oublié dans ces cas-là? Et toi, ma sœur, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de te couvrir de la tête aux pieds et que, hein, t'as remonté tes vêtements vers tes genoux ou plus ou moins et que tu t'es exhibé, à qui t'as oublié dans ces cas-là? Il est évident que tu n'as pas oublié à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu n'as pas oublié à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on n'a pas oublié à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'on n'a pas oublié à Allah non plus. On a désoublié à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on a désoublié à Allah. Qu'on fasse très attention. La situation n'est pas aussi simple que ça. Là, ce bas monde, il va vite se terminer. Demain, c'est la fin. Tout à l'heure, peut-être, c'est la fin de quelqu'un parmi nous. Tout à l'heure, peut-être que l'ange de la mort l'attend quelque part. Et c'est la fin. Hein? Il sera devant sa réalité. Il trouvera la certitude. Et il va trouver devant lui quoi? Sa soumission à Allah et son obéissance à Mohammed alayhi sallatou salam et le suivi de Mohammed alayhi sallatou salam et de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Voilà ce qui va lui être bénéfique. C'est pour ça, il est de notre devoir de nous cramponner à cette voie et de nous cramponner et d'obéir à Allah azza wa jal, à son messager, selon la voie et sur la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقائق باب الانتهاء عن المعاصي وكذلك أخرجه في كتاب الاعتصام رحم الله الإمام البخاري. Donc, et aussi dans l'authentique d'Al Bukhari, le hadith d'Abi Moussa, radiallahu ta'ala, nous dit que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mon exemple, et l'exemple de la chose avec laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a envoyé, c'est comme un homme qui est venu vers son peuple. Il leur a dit, j'ai vu une armée avec mes propres yeux, et je vous avertis, je suis l'avertisseur, je vous avertis, sauvez vos peaux. Un groupe parmi eux l'a cru. Ils ont pris le chemin, ils sont sortis, ils se sont mis dans une citadelle de protection, ils sont sauvés. Et ceux-là, ils ont été sauvés. Et d'autres ne l'ont pas cru, ne l'ont pas suivi, n'ont pas pris comme vrai ce qu'il leur a dit. Et ils sont restés dans leur maison et l'armée est arrivée sur eux. Il est arrivé, il les a fait périr. Il a dit, mon exemple, ceci, c'est l'exemple de celui qui m'obéit, qui me suit, et qui suit ce que j'ai ramené, et l'exemple de celui qui me désobéit et qui prend comme mensongère la vérité que j'ai ramenée. Hein? Vous voyez ces nobles exemples que nous donne le prophète alayhi salam pour comprendre que la situation est énorme, que ne sera sauvé que celui qui obéit à Allah et qui obéit à son messager alayhi salam. C'est là où il y a notre bonheur dans ce bas monde et dans le delà. وهذه الآيات والأحاديث ويقول الشيخ نذر لمن عصي الله ورسوله وبشائر لمن أطاع الله ورسوله. الشيخ رحمة الله عليه il dit ces versets et ces hadiths sont un avertissement pour celui qui désobéit à Allah et qui désobéit à son messager. Et c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui obéissent à Allah et qui obéissent à son messager, alayhi salatu wassalam. ومن البشائر حديث لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح ابن ماجة وهو في المقدمة عند ابن ماجة رحمة الله عليهم جميعا. Rahmatullah ala immatil muslimin. Et fait partie aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles annoncées du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam dit, il restera toujours une fraction de ma communauté. C'est-à-dire une petite fraction de ma communauté. Un petit groupe de ma communauté qui restera sur la vérité, apparent sur la vérité. Peu importe ceux qui semblent être avec eux, qui veulent les dévier de la vérité. Ou, et peu importe ce que font ce que manigant ceux qui sont en divergence avec eux, ils resteront sur cette vérité jusqu'à ce qu'arrive la promesse d'Allah Azza wa Jal, ils seront ainsi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. Et Abu Huraira رضي الله تعالى عنه وارضاه aussi dans صحيح ابن ماجة إذن سلسلة صحيحة الشيخ ناصر رحمة الله عليهم جميعا il dit que الرسول صلى الله عليه وسلم dit restera toujours un petit groupe de ma communauté sur les ordres d'Allah Azza wa Jal et aucun mal ça lui fera pas de mal ceux qui sont en divergence avec elle, ils resteront sur la vérité, ils les gêneront en rien, ils ne feront aucun mal, tout le mal qu'ils essayent de leur faire il ne les atteindra pas, tout ceci par Allah Azza wa Jal. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. رواه ابن ماجه كذلك وهو في السلسلة الصحيحة. Et voici aussi un autre hadith de Amr ibn Shu'aib, de son père qui a dit, Muawiya s'est levé en tant que khatib, dont les gens, il leur a dit, où sont vos savants? C'est-à-dire, les savants, ils existaient, mais ça veut pas dire qu'ils n'existaient pas à l'époque de Muawiya, ils existaient, mais c'était tout simplement un rappel pour les rappeler. On a dit, où sont vos savants? J'ai entendu le prophète, alayhi salam, dire, l'heure n'arrivera, quand l'heure arrivera, il y aura toujours une fraction de ma communauté qui sont apparents sur la vérité. Ils ne font pas attention à ceux qui semblent être avec eux, qui veulent les sortir de la vérité. Ou à ceux qui sont, ils ne feront pas attention non plus à ceux qui les font triompher. Ils resteront sur la vérité, malgré ce qui arrive. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, j'alna wa iyakum min ha'ula illadina yabqawna ala al-haq, dahirina ala al-haq. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Et Thauban de nous dire, comme il l'a authentifié Cheikh Nasr rahmatullah alayh dans Silsila Sahiha, il est rapporté par l'imam Muslim, par Abu Daoud, par Tirmidhi, par l'imam Ahmed, par Ibn Majah il Hakim, et il a dit, Thauban a dit, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, restera toujours une petite partie de ma communauté, un petit groupe de ma communauté, sur la vérité. Et ils triompheront, ils seront triomphants. Et peu importe le mal que leur feront ceux qui sont en divergence avec eux, et ils resteront sur l'ordre d'Allah, Zawajal. Ainsi, ils resteront jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah, Zawajal. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Hein? ومن هكذلك حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء ولكن قال وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في حجرها والغرباء هنا إشارة إلى قلتهم واختلاف الجهات التي هم فيها أي هم قليلون حتى أنه في بعض القرى وفي بعض المدن لا وجود لهم. Et aussi ce hadith 2, hadith qui dit l'islam a commencé étranger et il va se terminer étranger comme il a commencé. Il va redevenir étranger comme il a commencé. Bonté aux étrangers. Hein? Ce hadith, il a été rapporté par l'imam muslim de hadith Abi Huraira et d'Ibn Omar. Mais Ibn Omar dans son hadith, il a dit bonté aux étrangers. Il n'a pas dit bonté aux étrangers. Mais il a dit et... Hein? L'islam va aller entre eux, va errer entre, va faire des va-et-vient vers, entre les deux mosquées. Entre la mosquée de Médine et la mosquée de Mecca. Et le Ghuraba, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé ici le terme des étrangers pour nous prouver qu'ils seront, en tout lieu, en tout temps, ils seront peu nombreux. Hein? Et qu'ils sont éparpillés un petit peu partout. Il y a des endroits où ils sont nombreux, il y a d'autres endroits où ils sont moins nombreux, il y a des villages où ils n'existent même pas. Hein? وكذلك رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رواية مسلم ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وهذا دليل على قلتهم وأنهم متفرقون في بقاع الأرض طائفة هنا وطائفة هناك وطائفة هناك والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي وهي العقيدة السلفية الصحيحة فنسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم منهم. Donc, et aussi, il a été rapporté d'Ibn Majah du hadith de Abi Huraira, hein, la même version que celle de Imam Muslim, et du hadith de Anas, comme la même version que Abi Huraira, et du hadith d'Ibn Mas'ud, dans lequel il y a un rajout, il y a une expression, hein, de plus dans le hadith d'Ibn Mas'ud. On lui a posé la question, c'est qui les étrangers? Il a dit, certaines personnes de certaines tribus. Cela te prouve, Nuzza, certains particuliers de certains tribus, cela te prouve que ils sont pas nombreux et qu'ils sont éparpillés à travers la terre. Il y en a une partie ici, une partie là et un peu plus loin. Regarde un petit peu, tu prends garde pour que tu vois que la véracité de ce hadith. Regarde en France, il y a dans certains coins où il y a une grande concentration de frères salafis. Il y a dans certains coins, il y a un frère salafi. Et je crois qu'il y a parmi vous certaines personnes qui sont deux ou trois dans certaines régions. Cela te prouve la véracité de ce hadith de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et qu'il ne faut pas se faire avoir par le nombre. Le nombre n'a jamais été repère de la vérité. La vérité, c'est la vérité. Mais c'est pas le nombre qui fait, qui est la preuve sur une vérité. Loin de là, akhal islam. Et ce qu'il voulait avec Nuzza min al-Qaba'il, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés sur la vérité, sur la voie droite, qui est l'aqidah d'Yel Tselef et l'aqidah authentique. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous et vous, nous soyons sur cette voie-là et sur cette aqidah-là, et que nous mourions dessus, incha'Allah, bidnillah. Wa an Sa'd ibn Sa'd Sa'idi, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون عند فساد الناس رواه الطبراني. Donc et voici un autre hadith de Sahl ibn Sa'd Sa'idi, Allah subhanahu wa ta'ala agré, qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a commencé étranger, il va se terminer étranger, comme il a commencé, bonté aux étrangers. On lui a dit, c'est qui ces étrangers? Il a dit, ceux qui font le bien quand les gens font mal. Ceux qui font le bien quand les gens font mal. ce qu'ils font bien quand les gens font mal. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innal iman bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba yawma idin lil ghuraba idha fasada an nas walladhi nafsu Abi al-Qasim bi yadihi la'rizanna al iman ila bayn hadayn al masjidayn kama ta'riz al hayya ila hujriha azahu al haytami fi mujma' al zawaid ila musnad al imam Ahmad wa رجال أحمد وأبي على رجال الصحيح. Donc, et Sa'd ibn Abi Waqqas, رضي الله عنه, de nous dire, j'ai entendu le prophète, la foi a commencé étrange. Il va redevenir étrange comme il a commencé. Bonté aux étrangers ce jour-là. Bonté aux étrangers quand les gens vont être mauvais. Et il dit, par celui, Rasulullah me fait ce serment, par celui qui tient mon âme entre ses mains, la foi va errer entre les deux mosquées, entre la mosquée de Médine, hein, et la mosquée de la Mecque, et qu'ils meurent dans leur jalousie, ceux qui détestent le pays d'Al-Haramain. La foi, à la fin, va être entre eux, ces deux villes, entre ces deux mosquées, la mosquée de Mohammed alayhi salatu wasalam et la mosquée de la Mecque. Et ça, c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui l'a dit. Celui qui ne parle pas de ses propres passions, qu'on déplaise à l'Ikhwan, qu'on déplaise à tous les ennemis de ce pays, du pays du monothéisme, des pays où il y a le plus de savants au mètre carré. Mais s'ils ont cette haine, c'est justement par rapport au nombre d'hommes de science qui sont là-bas, qui attirent l'attention sur toutes les failles de ces groupes égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les hommes de science et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous fasse profiter de leur science. Ihna, on n'est pas sectaire pour l'Arabie Saoudite, non. Mais la réalité, elle est là, il y a des hommes de science. Comme il y a des hommes de science ailleurs, au Yémen, il y a un petit peu partout. Mais là, il y a la plus grande concentration. Et nous devons reconnaître le bien là où il est. Et là, c'est un bien qu'il y a dans ce pays. Le pays où il n'y a pas une tombe qui s'adore en dehors de Allah Azza wa Jal. Un pays où l'associationnisme n'a pas pion sur rue et regardez à travers la planète. Et vous comprenez la nullité dans laquelle se trouvent ces Khwanji et ces Ahbash et ces Sofis qui n'ont que la haine contre le pays du monothéisme. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قال ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس et جابر بن عبد الله dans ce hadith rapporté par Tabarani hein, et il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a commencé étranger, il va redevenir étranger, bonté aux étrangers. Il dit, c'est qui ces étrangers à Rasoulallah? Il a dit, ceux qui font le bien, ceux qui sont bien quand les gens sont mauvais. Ceux qui sont bien quand les gens sont mauvais. Ceci, c'est une autre version du hadith qui est contraire à celle de tout à l'heure. Et toutes les deux sont dans chez Tabarani, rahimahullah ta'ala. Wa ala Abdullah, ibn Amr, qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم صدقت يا رسول الله وأنت الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كنت ce hadith qui te prouve encore la véracité de Mohammed عليه الصلاة والسلام de Abdullah ibn Amr il a dit que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit un jour alors que nous étions à côté de lui bonté aux étrangers on lui a dit c'est qui ces étrangers il a dit ce sont des gens de bien dont beaucoup de gens de mal et ceux que leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Regardez maintenant. Regardez cette véracité de ce hadith. Hein? Regardez. Peu de gens obéissent aux hommes de science. Peu de gens obéissent aux hommes de la vérité. Mais à qui ils obéissent? Ils désobéissent aux gens de la vérité, ils obéissent à ceux qui, aux insensés, à Rouaï Bida. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزاد في غيره قال يا رسول الله 50 منهم قال أجر 50 منكم هذا لفظ أبي داود دونك إي أبو داود الترمذي دو لافو دابي أمية الشعباني قال إلى دي جي بوزي لا كيستيون أبا تعلب الخشاني جي دي أبا تعلب Qu'est-ce que tu dis sur ce verset? Occupe-toi de toi-même. Alaykum anfusakum. Ne vous occupez de l'apparence du texte dit ceci. Occupez-vous de vous-même. Vous n'avez qu'à vous occuper de vous-même. Et Abu Ta'labat al-Khushani lui dit, par Allah, tu es tombé sur l'expert de ce verset. Car j'ai posé la même question, j'ai demandé au prophète alayhi salam concernant ce verset. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ordonnez-vous le bien et interdisez-vous le mal. Et quand vous voyez un avarisme, quand vous voyez qu'on oublie l'avarisme et qu'on suit les passions et que on fasse passer ce bas monde sur le delà et que tout un chacun il est imbu de son opinion, à ce moment-là, occupez de vous-même et laissez le commun. Car vous avez devant vous des journées, des jours où vous devez un temps où vous devez patienter. Et celui qui patientera à ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui a une braise de feu dans ses mains. Et celui qui œuvre à ce moment-là, il aura la récompense de 50 hommes qui font comme son acte. Et dans une autre version, ils lui ont dit à Rasulallah, la récompense de 50 d'eux ou la de nous. Il a dit non, la récompense de vous. C'est-à-dire la récompense de 50 compagnons. Hein, cela ne veut pas dire que Hada qui œuvre ainsi, il est mieux que les compagnons. Non, c'est pour te montrer l'importance du fait de te cramponner à la sunna quand l'islam devient étranger. Hein? Et que le fait arrivera à un moment donné que te cramponner à la sunna, tu deviens étranger, tu es étranger avec ta femme, tu es étranger avec tes parents, tu ne reconnais plus rien autour de toi. Tout le monde critique. C'est quoi cette barbe? C'est quoi? Pourquoi vous sortez vos femmes enveloppées comme ça? Les temps ont changé. On est dans un milieu de confiance. Et batati batata. Et ça n'arrête pas de déserter. Hein? Et les ambiguïtés n'arrêtent pas. Et à ce moment-là, au moment où toi tu te cramponnes, frère en Allah, azzawajal, où toi, ma sœur, tu te cramponnes à cette religion, tu as la récompense de 50 compagnons. Tu imagines? On n'arrive pas au pied de cheville des compagnons. Mais pour te montrer la valeur, et la récompense que tu as min Allah Azza wa Jal, quand tu oublies Allah, et quand tu oublies au prophète alayhi salatu salam, au moment où beaucoup désobéissent à Allah, ils désobéissent au messager alayhi salatu salam. Wa kadalika, lafdu hada, c'était l'expression d'Yel Abi Daoud. Et l'expression d'Yel Tirmidhi, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mitlu al-qabdi ala al-jamr, il-amil mitlu ajri, 50 rajulan ya'maluna mitlu amalikum. Qala Abdullah ibn Mubarak, wa zada fi ghayri utba, qila ya Rasulallah, ajru 50 rajulan minna wa minhum. Qala la, bal ajru 50 rajulan minkum. Akhrajahu Abu Daoud wa Tirmidhi, wa huwa fi tuhfat al-ahwadi, wa huwa fi as-sahihati kadhalik. Hein? Donc, et l'expression d'Yel Termidi, il a dit, derrière vous, il y a des journées où vous devez avoir vos armées de beaucoup de patience. Et il a décrit les jours que seront des jours de patience. Est-ce que les jours patientent? Non. C'est-à-dire que l'être humain, le musulman, doit patienter et endurer encore plus. Hein? Et il a dit, ce jour-là, celui qui tient à sa religion, c'est comme c'est lui, celui qui a une braise de feu dans sa main. Qu'est-ce qu'il fait? Il jongle avec d'une main à une autre. Et celui qui œuvre à ce moment-là, au moment où il faudra patienter, etc., ben, il aura la récompense de 50 hommes qui font le même acte que lui. Et Abdullah ibn Mubarak a dit, il a rajouté, on lui a dit, ya Rasulallah, dans un autre hadith qui n'est pas celui de Utba, il dit, ya Rasulallah, la récompense de 50 hommes parmi eux, là parmi nous. Il a dit non, la récompense de 50 hommes parmi vous, c'est-à-dire la récompense de 50 compagnons, sans arriver au chevet de des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Hein? Les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam ont leur place au-dessus de tout le monde. Mais cela te prouve que le fait d'œuvrer au moment où l'islam est devenu étranger, au moment où tu es critiqué de tout le monde, et tu endures, et tu patientes sur ta sunnah et sur la voie de tu pisais, t'as cette énorme récompense, min Allah Azza wa Jal, frères et sœurs, on Allah Azza wa Jal. Hein? Regardez, cette promesse, min Allah Azza wa Jal, et cette annonce que nous annonce le prophète, alayhi salatu wasalam, si on se cramponne à la sunnah du prophète, alayhi salatu wasalam, il est évident qu'on est dans une grande étrangeté en ce moment. Hein? Et il faut savoir que l'étrangeté de l'islam, au début de l'islam, c'était dans le nombre. Vous imaginez, 3 ans de prêche du prophète alayhi salatu wasalam va se constituer autour du prophète alayhi salatu wasalam à peu près 40 personnes. Donc leur étrangeté au départ, quand l'islam a commencé, était dans leur nombre. Maintenant, notre étrangeté à nous, il n'est pas dans le nombre, il est dans le comment, dans l'application, et dans le suivi de la sunna et de la voie de nos plusieurs d'Allah alim. 2 milliards de musulmans sur terre. Qui est l'étranger sur cette terre? Qui considère qu'à qui on tire d'une seule flèche, que ce soit les mécréants ou là les groupes égarés? Hein? Qui on accule dans le coin? Les salafis, ceux qui suivent la voie de leur pisaïeul. Et ça, c'est une énorme étrangeté aussi. Notre étrangeté, maintenant, n'est pas dans le nombre. L'étrangeté, il est dans le suivi. Ceux qui suivent la voie de leur pisaïeul sont peu nombreux. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que c'est comme ça que ça a été décrété et c'est comme il l'a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas nous faire avoir par le nombre, ni avoir peur de la voie dans laquelle il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que beaucoup de monde n'est pas emblème de la vérité. Regarde, frère en Allah, un exemple flagrant. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, quand il était vivant, il faisait un cours. Il assistait 13 personnes, ou 15 personnes, ou 50 personnes. Quand une tête d'El Ikhwan, comme Hada, comment, le Yamanite Hada, Zindani, autre, fait sa conférence, tellement ils font la propagande qu'il y a des gens qui se trouvent, qui se bousculent dehors. Est-ce que parce que les gens se bousculent autour de ce parleur, autour de ces dissertateurs qu'ils sont dans la vérité, il est évident que la vérité il est avec Cheikh Ibn Baz rahimahullah, et la science était avec Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, et non pas avec ces parleurs de ces groupes. Qu'on se réveille, qu'on prend conscience de la situation, frère en Allah azza wa jal. Wa shahid fi al hadith yaqul al shaykh qawluhu lil amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan qila ya rasul Allah ajru 50 minna aw minhum قال لا بل منكم وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان وبالله التوفيق. Et le témoignage dans les hadiths, nous dit Cheikh rahmatullah alayh, c'est dans la parole du prophète alayhi salatu wasalam, il dit celui qui œuvre à ce moment-là, il aura la récompense de 50 hommes. On lui a dit 50 hommes comme nous ou là comme eux. Il a dit non, comme vous. En parlant en compagnon du prophète, alayhi salam. Ça, ça te prouve cette grande vertu et cette noble vertu que celui qui est droit et qui est constant sur la sunna et qui se cramponne à la législation à la fin du temps, comme le veut Allah, azza wa jal, et selon la sunna de Muhammad, alayhi salam, et la voix du puiseur d'Allah, alayhi, il aura cette énorme vertu et cette énorme récompense, min Allah, azza wa jal. Fa, akhal islam. هذه بعض تعليقات للشيخ أبو مالك على هذا المقطع. سمعت الأحاديث أن أهل الحق ظاهرون. فهنا الله عز وجل voici certains commentaires du Cheikh Abu Malik حفظه الله تعالى sur ce passage. Tu as entendu beaucoup de hadiths que les gens de la vérité seront apparents et auront le triomphe. وهذا من نعمة الله على الخلق أن أهل الحق ليسوا مخفيين بل هم معروفون وظاهرون قال العلماء لهم الظهور وظهورهم يكون بالسيف واللسان وإما يكون بالحجة والبرهان فهو ظهور السلطة وظهور الحجة وهذه معلمة للطائفة المنصورة لا أحد يغلبها لأنها معها قوة الحجة والبرهان. Et cette apparence qu'ont ceux qui sont sur la vérité, c'est un bienfait minallah azza wa jal. Les gens de la vérité sont apparents. On les connaît. Ils sont connus de tout le monde. Ils sont apparents. Et les hommes de science, ils ont dit, ils auront l'apparence et leur apparence se fait soit avec le pouvoir et avec l'épée et avec la langue. Soit il se fait, c'est une apparence qui se fait, une suprématie qui se fait avec la preuve. Soit c'est l'apparence du pouvoir, soit c'est l'apparence de la preuve. Et ça, c'est un emblème du groupe sauvé. Personne ne peut vaincre le groupe sauvé. Il a la force de la preuve. Il a les preuves irréfutables. فَعُلَمَا أُسْسُنَّ اسْمَعْ أَخَ الْإِسْلَامِ فَإِقْرَأْ تَارِيخَكَ جَيْدًا فعلماء السنة هم الذين لهم الظهور والقوة في كل زمان ومكان فحتى أموات علماء السنة يهابوا أعداء الله يهابونهم فهذا مستشرق فرنسي ها يعلق على جنازة ابن باز يقول من مثل هذا ومن كتب هذا يجب أن يخاف وقاضي Les hommes de la sunna, il faut lire notre histoire comme il se doit, frère, en Allah Azza wa Jal. Il a cherché dans ses sources avenantes et non pas dans l'histoire des orientalistes, barakallahu fikum. Les hommes de la sunna, c'est eux qui ont le triomphe et la puissance, en tout lieu et en tout temps. Même morts, ils font peur aux ennemis d'Allah, azza wa jal. Regardez, j'ai vu une fois, on m'a passé une cassette dans laquelle on parle de l'islam et à un moment donné, un orientaliste contemporain qui écrit dans Le Monde français, hein, en commentant le cortège de la genèse de Cheikh Ibn Baz, il a dit de cet homme-là, il faut avoir peur. Et des écrits de cet homme-là qu'il faut avoir peur. Regardez, même mort, regardez. Cette puissance que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux puiseurs d'Allah alim. Hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre la voix de nos puiseurs d'Allah alim. فخذ الآن إخوة الإسلام خذوا الآن مثلا أحمد بن حنبل وحده غلب دولة عظيمة بحجته وبراهينه دولة عظيمة ليست كدولات اليوم دولة تتبعها ولايات في مشارق الأرض ومغاربها الدولة العباسية في معادي المأمون وكان هارون الرشيد يقول يرى السحابة في السماء ويقول لا أمطري أين ما أردت فسيأتيني خراجك هذا يدلك على اتساع دولة العباسيين وقاعد مانتنو النوم كم الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى combattu un état en entier à lui tout seul avec quoi avec les preuves seulement un état un grand état pas comme les états de nos jours qui sont des petits états un état l'état abbasside et l'empire abbasside hein était soumis à la domination et à l'état abbasside beaucoup de contrées à tel point que Harun Rashid rahimahullah ta'ala qui est un grand homme, une année il la passe au combat sur le sentier de l'Allah, une année pour le pèlerinage, il fait partie d'une chaîne de transmission d'un hadith, il honorait les hommes de science, il disait, un nuage, quand il le voit dans le ciel passer, il lui dit, va, verse ton eau là où tu veux, ce qui va sortir de cette eau, il m'arrivera jusqu'à moi. Vous prouvez la grandeur de l'empire abbasside. Et Ibn Hanbal a battu cet empire à l'époque de Ma'moun. Hein? Comment il l'a battu? Il l'a battu avec la preuve. Parce que le Ma'moun était entouré de savants d'Yel, hein? Du faux et du blâmable et de la dissertation. Il voulait faire passer dans la communauté le fait de croire que le Coran il est créé, que c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Ahmed Ibn Hanbal, il l'aura tenu tous tête. Jusqu'à la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait triompher. Lui tout seul. En face de plein de juges. Plein de savants du mal. Hein? Avec quoi il l'a fait triompher? Une seule parole. Dites-moi. Est-ce que Muhammad alayhi salatu wasalam a dit la parole que vous dites? Est-ce qu'un compagnon l'a dit? Si vous me ramenez une preuve que le prophète l'a dit et que sahaba l'ont dit, alors d'accord. Juste ça. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وحده غلب القضاة والعلماء ومشايخ البدع الذين تطاولوا عليه كسرهم بالحجة والبرهان وفي النهاية أخذوه وسجنوه وبقي معتقلا سنتين ثم ألف كتبا في السجن ورد على الأخنائي وجماعة من أهل البدع فاشتكوا إلى السلطان فأمر السلطان بإخراج الكتب والأوراق والأقلام وبقي مدة وتوفي رحمه الله. فهذا رجل لا حول ولا قوة له، ما عنده جنود ولا شيء، يؤخذ ويسجن، لكن كانت له غلبة وقوة. وهكذا في الدليل والحجة والبرهان، وهكذا المحققون للسنة لهم الظهور دائما. أتباع السلف في كل مكان هم أهل القوة وأهل الظهور، وأعداؤهم إنما يكذبون عليهم. وأعداؤهم إنما يكذبون عليهم. Regarde aussi un autre exemple flagrant, frère en Allah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. À lui tout seul, il a vaincu les juges, les savants et tout le mashayikh de l'innovation à son époque. Ils ont essayé de le casser, mais il les a anéantis avec la preuve. Et à la fin, ils ont comploté contre lui, il a été jeté en prison, il est resté donc 2 ans en prison. Et en prison, il écrivit des livres. Et on... De la prison, il a fait sa réplique sur l'Akhnaqi et sur un certain nombre des gens de l'innovation. Ils se sont plaints au pouvoir et le pouvoir a sorti les livres de la prison, les crayons et les stylos et les feuilles. Et Cheikh, il est resté un laps de temps et il est mort après, rahimahullah ta'ala. C'est un homme qui n'avait aucun pouvoir, aucune puissance. Il n'avait pas d'armée, il n'avait rien. On le prend, on le met en prison et malgré tout ça, il avait la puissance, il avait la suprématie, il avait les triomphes. Et il en est ainsi de tous les authentificateurs de la sunna. Ils ont toujours le triomphe. Et là, ils sont toujours apparents. Les, ceux qui suivent la voie du puiseur d'Allah Alim auront toujours le triomphe. Ils sont toujours apparents. Et sur leurs ennemis. Leurs ennemis, ils ont tout simplement quoi? Ils montent sur eux, tout simplement. Ils montent sur eux. Cela te prouve quoi aussi, frère en Allah Azzawajal? Il faut, nous, on suit la voie de nos puiseurs d'Allah Alim. Il faut que nous apprenions nos preuves. Il faut qu'on maîtrise notre sunna. Il faut qu'on maîtrise notre ménage pour avoir du bagage pour répliquer à tout un chacun. Et on, il parle, on ramène la preuve calmement et comme il se doit pour être digne de la voix de nos puiseurs d'Allah alayhim. Fandur sani al-ahbash ada al-salafiyin ما عندهم إلا الكذب. هؤلاء الأحباش يكذبون على محمد بن عبد الوهاب ويكذبون على ابن باز ويكذبون على الألباني ويكذبون على الشيخ العثيمين وعبد العزيز آل الشيخ وكفروهم صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. maintenant regarde un exemple flagrant. الأحباش هؤلاء الأوباش ها c'est quoi leur façon de faire? Ils montent sur les imams de la communauté. Ils ont monté sur Ibn Taymiyyah, ils montent sur l'Albani, ils montent sur Ibn Baz, ils montent sur Cheikh Al-Uthaymeen, ils montent sur Abdelaziz Al-Sheikh, etc. Même ils les ont rendus mécréants. Quand tu vois dans leur site, ils mettent des croix sur leur visage. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont aucune preuve. C'est juste du mensonge. Ils ont peur de la preuve d'Yalli Salafi. وخذ مثلا أعداء الدعوة السلفية في الشام أوشوا بالشيخ ناصر في سوريا وسجن رحمه الله ومرة أوشوا به عند وزير الداخلية في الأردن وكاد أن يطرده من الأردن لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر أمرا آخر. Et prends par exemple les ennemis de la دعوة السلفية au nord de l'Arabie en Syrie contre Cheikh Nasser رحمة الله عليه était en Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont manigancé contre lui et le gouvernement français et le gouvernement syrien de cette époque ont jeté Cheikh Nasser rahmatullah alayh en prison. Et après, quand il était en Jordanie, ils ont manigancé encore les du'as de l'innovation et du sophisme, ont manigancé, ont comploté, et le ministre de l'Intérieur jordanien a failli expulser Cheikh Nasser rahmatullah alayh. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété autre chose. Et Cheikh Nasser est resté jusqu'à la fin de sa mort dans ce pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde, qu'on déplaise à l'ahbash et qu'on déplaise à n'importe qui. qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde, qu'il lui donne le firdaus al-a'la pour tout le travail qu'il a donné à cette communauté, qu'il a fait au service de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour Cheikh Ibn Baz, pour Cheikh Al-Utaymin, pour Cheikh Muqbil et pour tout le machaïr qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte, de sa sainte miséricorde et qu'il nous fasse profiter de leur science et qu'il nous fasse, que nous soyons dignes de la voie et de l'héritage qui nous ont légué. رضوان الله عليهم وأنت تسمع هؤلاء الأحباش وهم أوباش والصوفية يلمزون السلفيين بأنهم وهابية وأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يحبون الأولياء وأن لهم مذهبا خامس كذبا وزورا et toi tu entends ces أوباش qui sont الأحباش et ces صوفي ils disent quoi des سلفي que ce sont des وهابيت mais ils savent pas ce qu'ils disent c'est ce que c'est que le terme الوهاب الوهاب C'est Allah Azza wa Jal. Donc, c'est d'être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent pas qu'ils attribuent les salafis à Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Hein? Et ils disent de ces wahhabites et de ces salafis qu'ils n'aiment pas le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, qui fait la prière le plus dans sa journée sur le prophète alayhi salatu wassalam? Sinon les gens du hadith, sinon ceux qui suivent le hadith, ils montent sur Cheikh Mohammed ibn Ablab. Comme quoi, ils n'aiment pas le prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Mohammed ibn Ablab, il a écrit une biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Quelqu'un qui n'aime pas le prophète alayhi salatu wassalam va écrire une biographie du prophète alayhi salatu wassalam? Subhanallah. Subhanallah, où ils sont devenus. Haoula, ils n'ont pas de raison. Et comme a dit certains savants contemporains, est-ce qu'il y a un marché des raisons pour acheter à ceux-là des raisons s'ils se vendent? Mais malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala comble qui il veut avec une raison saine, qui est soumise à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Ils disent, hein, Haoula, les salafiyun n'aiment pas l'auliya ou salihoun et qu'ils ont un cinquième madhhab. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية وكذلك الحزبيون لا يواجهون هذه الدعوة ولا يواجهون السلفية الذين السلفيين الذين لهم الدور والغلبة لا يواجهونهم إلا بهذه الأراجيف وهذه الأكاذيب عملاء ذيل بغلة السلطان علماء البلاط وما إلى ذلك الجامية المدخليون الخلوف ويكذبون عليهم ويروجون عنهم أنهم يتكلمون في العلماء وفي الأئمة الأربعة وهذا كذب وزور إيه الحزب aussi maintenant comment ils attaquent la da'wa salafia ils viennent pas directement ils peuvent pas parce que du'at ديال salafia ils ont la preuve avec eux ils ont la suprématie et ils auront le dessus sur eux mais comment ils attaquent ben ils propagent des choses sur eux ce sont hein La queue de la mule du sultan, ce sont des espions, ce sont les agents de la CIA, les agents de la SAVAK, et j'en sais quoi. Ce sont les Jami, ce sont les Madkhalites, et ainsi de suite. Ils montent sur eux. Et ils propagent aussi dans la communauté comme quoi, ils parlent sur les grands imams de la communauté, sur les grands imams, comme l'imam Malik, comme l'imam Abu Hanifa, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Ahmad, rahmatullah. Et tout ceci, c'est un mensonge. وهكذا فعل معنا ذلك الخارجي في مدينة مكرون في بلجيكا ذهب يقول عنا أننا تكلمنا في أبي حنيفة رحمه الله ونحن براء من قوله هذا وأبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين يخطئ ويصيب كسائر البشر كما قال الإمام مالك كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وإلا فهؤلاء يريدون فقط ماذا إبعاد الناس عن الحق وإبعاد الشباب عن السلفية وعن المنهج السلفي وعن دعاة السلفية. Et comme il a dit sur nous, ce kharigi de la ville de Mokran, il a été propagé, comme il a pu rien faire, il a vu qu'il y a une grande acceptation des jeunes de la voix d'Al-Salaf, il a été propagé, comme quoi on dit des choses sur l'imam Abu Hanifa. Wallah, ils ne sont innocents de ce qu'il dit. Hein? Et Abu Hanifa est un des imams parmi les imams de la communauté de Mohammed. Et c'est un homme, il fait des erreurs et il touche vrai. comme tous les humains, comme il a dit l'imam Ahmed, l'imam Malik, rahmatullah alayhi, de tout un chacun, c'est-à-dire de tout un homme, on prend et on rejette, sauf celui qui dort dans cette tombe. Tout, sauf celui qui est dans cette tombe, il montrait la tombe du prophète alayhi salatu wasalam. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand ils disent que les hommes de science, parlent sur les grands imams, ils veulent tout simplement éloigner la jeunesse des hommes de science. Et quand ils le propagent sur un da'i ou sur quelqu'un qui donne cours, etc. Pour qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement éloigner la jeunesse, de ce da'i, aider de la da'wa salafia, tout simplement. C'est une guerre. Il faut faire très attention. Parce que, فها أولئك ماذا يريدون يريدون فقط ها ألا يسمع الشباب إلى الحق ولا يسمعوا لدعوة الحق والسلفيون لا يدعون العصمة لأحد والأئمة أئمتنا وقدوتنا وسلفنا رحمهم الله تعالى على رأسهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكبار أئمة الدين كالإمام أحمد كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والثوري والسفيان والحمادين كل هؤلاء أئمتنا ولكن لا نقدس الأشخاص ولا نعظم الأشخاص تعلمنا الأدب وذكر السلف بكل جميل واتباع الحق والنظور مع الحق حيث دار Ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent tout simplement? Ils veulent tout simplement détourner les jeunes et la jeunesse de la vérité. Et nous, les salafis, ne prétendent pas que les hommes sont épargnés de l'erreur. Les imams de la communauté, ce sont les imams, ce sont nos jalons sur la route, ce sont nos guides, ce sont nos puiseurs d'Allah alayhim. Et nous avons appris de ne pas vénérer les hommes, mais de les respecter et de ne parler de nos puiseurs et de nos imams qu'avec des belles paroles et qu'on les suit dans la vérité et qu'on tourne et eux-mêmes nous ont enseigné, ils ont conseillé la communauté de tourner avec la vérité là où la vérité tourne. Enfin, les imams comme Abi Hanifa, comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmed, comme l'imam Shafi'i, Al-Tawri, Al-Sufyanayn, Al-Hammadayn, tous ceux-là ce sont les imams. Et on ne dit pas qu'ils sont épargnés de l'erreur, loin de là, et aucun nombre de science le dira, mais on le respecte, et on ne le cite qu'avec le bien, on fait leurs éloges, et on le suit dans la vérité qu'ils ont suivi, et on le suit dans la sunna de Muhammad alayhi sallam. On n'est pas des soufis, on n'est pas attaché à des hommes, on ne vénère pas des hommes. Nous, on n'est pas des Habash à vénérer Abdullah al-Harari, le cheikh d'Yal Habashia, ou là à vénérer Hassan al-Banna, ou là à vénérer Hada. Ibn Arabi et les autres mashayikh d'Al Sofia. Mais on a été éduqué sur un comportement, à respecter Salaf et à respecter les hommes de science et à ne parler que du bien d'eux quand ils sont les puzaïl, quand ils suivent la voie de nos puzaïl d'Allah alayhim. Wa hadha kulluhu wa ma lam adhkur هو فقط لتنفير الشباب من السلفيين ومن الدعوة السلفية. الناس تحب الأئمة الأربعة وتقدرهم، وهؤلاء يستغلون هذا الحب للأئمة للطعن في السلفيين ولتنفير الناس منهم بنشر الكذب والزور. إنهم لا يحترمون الأئمة، مما اضطر أحد المشايخ أن يكتب رسالة السلفيون والإمام والأئمة الأربعة. Et tout ceci, ce que je n'ai pas cité, c'est tout simplement pour détourner les gens de la vérité. Et la jeunesse de détourner les jeunes de la da'wa salafia. Ainsi, il l'a dit nègre. Ils disent, les salafis n'aiment pas les grands imams, les quatre imams. Tout simplement, ils ne les respectent pas. Parce qu'ils savent que les gens aiment les grands imams de la communauté. Et ainsi, pour arriver à critiquer et à détourner les gens et la jeunesse de la da'wa d'Yel salafia, ils propagent ces mensonges. Comme quoi les salafis ne respectent pas les grands imams. Ce qui a obligé un de nos mashaïkh à écrire une risala dont le titre est Salafiyun et les quatre imams. Wa soufiyatu ha'ulai alladhina yakdibuna ala salafiyin allafu kutuban yaquluna fiha anna al-wahhabiyya la yahtarimuna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa dhakaru kalimatin yastahi al-insanu min dhikriha. Et ces soufis qui sont les ennemis de la da'wah salafia, ont écrit des livres dans lesquels ils disent que le wahhabia ne respecte pas le prophète alayhi salam. Ils ont cité des paroles. Wallah, on a honte de dire ces paroles-là. On a même, si tu lis ces paroles-là, t'as la sueur froide. وهؤلاء الأوباش المسمّن بالأحباش ألفوا كتابا عنوان له ضلالات ابن تيمية تلفيق وكذب على ذلك الإمام الهمام رحمه الله تعالى. Et ces Aoubash qu'on appelle l'Ahbash, ils ont écrit un livre dans le titre « Les égarements d'Ibn Taymiyyah ». Du mensonge, monté de toutes pièces sur ce grand imam, ce noble imam, cet exterminateur de l'innovation à son époque, rahimahullah ta'ala. Et ces paroles sont encore de nos jours une extermination de l'innovation. والحاصل إخوة الإسلام أن السلفيين هم أهل الحق وأهل الظهور والذي يريد الحق وتعرض عليه هذه الدعوات والله لا يختار إلا هذا المنهج السلفي الصالح. Et frère Allah Azza wa Jal, les salafis ce sont les gens de la vérité et qui auront l'apparence et la suprématie. Et celui qui veut la vérité, quand on lui expose ces da'awat, ces voies qui existent, wallahi, s'il cherche la vérité, il ne choisira que la voie du puiseur d'Allah alim. Et on ne dit pas que les salafis sont épargnés de l'erreur, loin de là. Il y a parmi nos frères qui font mal les choses, qui ne sont pas sages dans ce qu'ils font, qui sont un peu sévères, et ainsi de suite. Ça, on ne les excuse pas. Mais la da'wa, elle, الدعوة السلفية والمنهج السلفي la voie salafie il est épargné de l'erreur et des erreurs. Les êtres humains, ceux qui se disent salafis, bah ce sont des êtres humains, ils tombent dans des erreurs, ils font des dégâts, hein, mais que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous. Mais la voie, elle, c'est une voie apparente et qui une voie qui prend le dessus avec la preuve. Fandur akhal islam, فانظر الشباب في مشارق الأرض ومغاربها لما وقفوا على هذا الحق كثير منهم اختار هذا المنهج وهذا طبعا يغيظ هؤلاء المبتدعة مما دفع بعضهم أن يهيج السلطات الفرنسية والبلجيكية والأوروبية ضد السلفيين فإلى الله المشتكى. انظر فخيرنا الله عز وجل à l'est et à l'ouest de la terre, quand la jeunesse a su la vérité, tous ont choisi la voie du puiseur d'Allah alayhim. Et ça, normalement, ça, il est évident que ça donne la jalousie à ces innovateurs, parce qu'ils se sont plaints de leurs troupes qui partent, qui ne sont sur lesquelles ils peuvent plus, ils ont plus aucun pouvoir. À tel point que ces innovateurs, que ce soit en France et un petit peu partout en Europe, ils ont excité les autorités et monté les autorités des pays européens contre Dawa Salafia et contre les Salafis. Et on se plaint à Allah Azza wa Jal. والخطر الكبير على الدعوة السلفية الآن ليس الصوفية. الصوفية خطرها بينه أهل العلم وخطرها ظاهر, ولكن خطرها أمام خطر الأحزاب الموجودة الآن والجماعات الملفقة, هذه أخطر من الصوفية. هذه الجماعات التي تتظاهر بالسنة اليوم وهي في باطنها من أشد المبتدعة ومن أشد الأعداء للسنة وأهلها, ويتظاهرون بأنهم يحبون السلف ولكنهم يحاربون السلف السرورية والخوانجية عندما يتكلمون. صححه الألباني, قال ابن باز, ولكن هذا ذر للرماد في العيون فقط. فإن الله عز وجل, le grand danger maintenant pour la da'wa salafia, hein, c'est pas les soufis. Les soufis, c'est un danger, mais les hommes de science les ont éclairés sur le soufisme, hein. Mais le grand danger maintenant, ce sont ces partis, ce sont ces groupes de montés de toutes pièces et rapiécés dans laquelle on trouve un peu toutes les idées et toutes les pensées. Ces groupes qui prétendent être sur la sunna, alors que dans leur intérieur, ils sont les plus grands innovateurs et les plus grands ennemis de la sunna et des gens de la sunna. Ils prétendent qu'ils aiment salaf, utilisant tant parler ses sororis, ses khwanji. Ils parlaient, Cheikh Al-Albani l'a authentifié, Cheikh Ibn Baz a dit, et ceci, cela. Mais cela, c'est simplement, c'est jeter la poussière dans les yeux, pour qu'on s'aveugle, et on ne voit pas leur faux et leur blâmable qui passent devant nous. يقول الشيخ أبو مالك حفظه الله تعالى أن أحد الثقات حدثه ويقول لو لم يكن ثقة ما صدقه. أن أحد الإخوة المفلسون وهو من كبارهم عندهم هناك قال لأحد الإخوة لما تذهب إلى الجهاد وتترك البلاد ينهبها العلمانيون والسلفيون؟ فهؤلاء يعظمون السلف، هؤلاء يحاربون السنة ويحاربون أهلها ويجعلنهم في خندق واحد مع العلمانيين وإن لم يصرحوا بحربهم، ولكن أفعالهم تدل بأنهم حرب على السلفية وعلى أهلها. الشيخ أبو مالك دو نوزيغ que l'un d'eux, des gens dignes de confiance chez lui, lui a dit quelque chose. Il a dit, si ce n'était pas indigne, je ne l'aurais pas cru. Il dit, l'un des grands Ikhwan, là-bas chez eux en Arabie Saoudite, il a dit à cette personne, pourquoi tu vas au djihad et tu laisses le pays se faire grignoter et manger par les salafis et par les laïcs? Est-ce que cela, il glorifie la sunna? Est-ce que cela, il donne l'importance à salaf? Est-ce que cela, il combatte la sunna? Il combatte les ondes de la sunna. Regardez, il a mis les salafis dans le même panier que les laïcs. Même s'ils ne déclarent pas la guerre, clairement comme ça, mais leurs actes et leurs paroles le prouvent qu'ils sont une guerre contre salafia et contre les gens d'Yel Salafia. وعندما بدأت الدعوة تظهر في مكرون قرب روبي ذهب رأس التبليغيين من مدينة روبي إلى رئيس جمعية مكرون لكي يطلب منه أن يطردنا من المسجد، وأننا طردنا من فرنسا ومراقبون من المخابرات المغربية والفرنسية وما إلى ذلك، وهذه طرهات وكذب وافتراء. والرئيس كان عاقلا ومتعقلا والحمد لله، فسمع منه وتركه يذهب وبقينا في المسجد لمدة 3 سنوات هناك. Donc quand la da'wa a commencé à apparaître dans la ville de Moukran, qui est proche de la ville de Roubaix, et quand la da'wa salafia a commencé à grignoter les foyers là-bas, la tête des tablighs de la ville de Roubaix a été voir le président de l'association de la mosquée de Moukran, alors que lui il est en France et l'autre il est en Belgique. Il lui a demandé qu'il ne sage de la mosquée et qu'il va avoir des problèmes et que nous et tous ceux qui sont avec nous, on a été sachés de France et que nous sommes surveillés par les renseignements généraux marocains, par les renseignements généraux français et plein de mensonges. Et le président, il était doué de raison. Et la louange revient à Allah Azza wa Jal. Et nous sommes restés 3 ans dans cette mosquée. لماذا كل هذا لماذا؟ لأن الدعوة السلفية ظاهرة، ولأن الدعوة السلفية اكتسحت الإخوان اكتساحا عظيما كما اكتسحت التبليغيين اكتساحا عظيما، فهم يخرفون الآن، وكذلك فعل معنا الإخوان في مصلى السكن الجامعي بمدينة ليل، وكذلك فعل رئيس الإخوان في ليل يدعوننا العوام من مسؤول المساجد أنا والأخ عباس، وعندما نمر بالمسجد مرة أو مرتين يأتي القرار من رئيس الإخوان بمدينة ليل، لا تسمحوا لهم سيأخذون شبابكم، وهذا فعله معي ومع أخينا عباس، ولكن الله متم نوره ولو كره المبتدعون. ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر، ومنهج الصحابة الكرام ظاهر، ومن تبعهم بإحسان رغم التبليغيين ورغم الياسينيين ورغم الأحباش ورغم الإخوانيين ورغم الصوفية، مهما يكون هو منهج ظاهر وسيظهر. Pourquoi tout ça contre la da'wa salafia? Parce que frère en Allah عز وجل la da'wa salafia a grignoté. Il y a pris du terrain et après beaucoup de jeunesse d'Yel Tablir, beaucoup de jeunesse d'Yel Ikhwan, Elisa. Et maintenant, dans Tablir, ils sont dans leur automne. C'est-à-dire, il ne reste que les vieux dans cette jama'a. Et Ikhwan ont agi aussi avec nous dans la salle de prière, dans la résidence universitaire à Lille. Et la tête d'Ikhwan, chaque fois que l'Awam, pendant les mois de Ramadan, nous invite, un des responsables nous invite pour la mosquée, qu'on fasse un premier cours, un deuxième cours. Le qarar vient de la tête des Ikhwan. Ne les laissez pas. Ils vont prendre votre jeunesse. Ils vont former votre jeunesse à être des terroristes et ainsi de suite. Ceci, ils l'ont fait avec moi. Ils l'ont fait avec notre frère Abbas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala va être parachevée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège cette da'wa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège la voix de Muhammad alayhi salatu wasalam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège la voix des puiseurs d'Allah alim et ceux qui les suivent à la perfection. Et cette da'wa prendra le dessus. Malgré les tabliriyin, malgré les yassinites, malgré l'ikhwan, malgré l'ahbash, malgré Sophia, cette voix et cette da'wa prendra le dessus. Et il prend le dessus et c'est elle qui a le dernier mot et c'est elle qui est apparente avec ses preuves. فهذه إخوة الإسلام هي حرب الحزبية ولذا يقاومها أهل العلم وقاموا ضدها بقوة لأن الخطر الذي يهدد من الداخل وهؤلاء الحزبيون هم البوابة لكل شر وكل ضلالة ومنها يتسرب الابتداع والمبتدعة إلى الإسلام إلى غير دي حزبي فخيرنا الله عز وجل. Les hommes de science sont conscients. C'est pour ça que des hommes comme Cheikh Najmi, comme Cheikh Rabi', comme Cheikh Mohamed Amal Jami, comme Cheikh Ubaid, Cheikh Abdullah Al-Bukhari et beaucoup de mashaykhs sont sur le pied de guerre contre les idées de ces partis. Parce que c'est le danger qui menace de l'intérieur. Ces hizbis sont une porte. C'est eux qui ouvrent la porte à tout le mal et à tout l'égarement. Et c'est par leur porte et par leur voix que rentrent les innovateurs dans l'islam. اسمعوا لهذا حتى تيقنوا من هذا الكلام أن أحد الإخوة الثقات ذكر أنه للشيخ أبو مالك ذكر أنه كان لا يوجد مراكز للتشيع في فلسطين ولما استلم القوة هؤلاء الحزبيون حماس الإخوانيون ظهرت مراكز التشيع فهؤلاء الحزبيون هم البوابة للضلال والبدع في كل بلد من يتحالف مع الروافض هم الحزبيون هم الإخوان المفلسون سمعتم قول السويدان للرافضة سبوا أبا هريرة في نواديكم وتعالوا نجلس سويا ونجلس على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه هذه قاعدتهم التي تسوغ لهم الضلال والابتداع في دين الله عز وجل. Écoutez ça pour que vous soyez sûr de ce que vous entendez. Voici l'un des frère digne de confiance qui raconte à Cheikh Abu Malik. Il disait, ce frère, il disait, avant, il n'y avait aucun centre du chiisme en Palestine. Et quand Hamas, ce groupe d'Yel Ikhwan, ce groupe Hizbi d'Yel Ikhwan, a pris le pouvoir, les centres du chiisme ont apparu. Donc ce sont les Hizbi qui ouvrent la porte à l'égarement et aux innovateurs dans tous les pays. Qui s'allie à Rawafid dans tous les pays? Sinon les Hizbi. Vous n'avez pas entendu la parole d'Yel Suidan dans l'une de ses cassettes où il disait Al-Rafida, insultez Aba Hurayra radiallahu ta'ala, le porteur de l'héritage de Mohammed alayhi sallam, il dit insultez-le dans vos clubs et venez qu'on s'assoie entre nous et qu'on se mette la main dans la main sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et que les uns se pardonnent sur les choses sur lesquelles nous sommes en divergence. Ça c'est la règle machiavélique sur laquelle marche tous les ikhwan muflisoun, sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. Qui ouvre la porte à l'égarement? Qui ouvre la porte à Rafida? Regardez ce que Hamas a fait. Il a ouvert la porte à tashayyu' en Palestine chez les Palestiniens. Wa al-rawafid ma yatma'una fi ad-dukhul 'ala ahli as-sunnah illa min abwab al-hizbiyyah wa al-ikhwaniyyah wa amtalhum. Fasma'u ma kataba Yasin fi kitab al-islam aw at-tufan ladhi ba'atha bihi ila al-Hasan al-Thani rahimahu Allah, malik al-Maghrib as-sabiq rahmatullah 'alayh. يتكلم عن ولاية الفقيه. ما هي ولاية الفقيه؟ هذه مصطلحات شيعية خمينية. كذلك عندما أصدر كلاما توجه به إلى الجيش المغربي يقول لهم كونوا معنا يوم القومة. ما هي القومة؟ هي الثورة الخمينية. فهؤلاء يخطروا على السنة وعلى العقيدة السلفية. الروافض n'espère pas rentrer chez les gens de la Sunna et envahir les gens de la Sunna que par la voix des Hizbi et par la voix des Ikhwan. Écoutez, leur exemple, c'est aussi ce qu'a écrit Yassine dans son livre « L'Islam ou le déluge » qu'il a envoyé au roi du fin du Maroc, Allah subhanahu wa ta'ala, couvre son âme de sa sainte miséricorde. Il parle dans son livre « La wilaya du faqih ». Vous savez ce que c'est que la wilaya du faqih? La wilaya du faqih, c'est un terme qui est utilisé par le Khomeini dans ses livres. C'est un lexis chiite. Il a utilisé aussi en s'adressant dans un message où il l'adressait aussi à l'armée marocaine, il leur disait soyez avec nous le jour d'Yel Qawma. Vous savez ce que c'est que le Qawma? C'est la révolution à la Khomeini. Ces gens-là sont, ces Hizbi sont plus dangereux pour la Sunna et pour l'Aqida Salafia que quelqu'un d'autre. ولذا يجب أيها الإخوة أن يحذر الشباب من هؤلاء وإن شاء الله نحن نهيئ تحذيرا شافيا كافيا في الأحباش وشيخهم عبد الله الهراري رحمك الله من خلال كتب الدمشقية وبعض من ناظر عبد الله الهراري وردوا عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يرزقنا فيه الإخلاص والمتابعة لسلفنا لرسول الله ولسلف ولصحابته وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. C'est pour ça, frère, on Allah Azza wa Jal, les jeunes, ils doivent être avertis contre tout ça. Et Inch'Allah, nous sommes en train de préparer une réplique complète sur l'Ahbash et sur leur cheikh Abdallah al-Harari à travers des livres de Dimashqiya et d'autres qui ont débattu avec Abdallah al-Harari sur ses erreurs et qui lui ont répliqué. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous le facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette réplique qu'il nous donne la sincérité et le suivi de Muhammad alayhi salatu wasalam et de nos plusieurs d'Allah alayhim. فاسمعوا إخوة الإسلام هذا الضلال، فاسمعوا لهذا الضلال من بعض الإخوان وهو أستاذ جامعي. قال أحد الإخوة لهذا الأستاذ الخوانجي: إن الرافضة يرمون عائشة بالفاحشة والطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمنا ولا نرضى الطعن فيها، ولا نرضى الطعن في نسائنا، فكيف نرضاه في أم المؤمنين وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا الإخوان المحترق: إن الشيعة اجتهدوا فأخطأوا، هكذا رمي لأم المؤمنين بالفاحشة عند هؤلاء اجتهاد. إذن على هذا نعذر اليهود والنصارى والمجوس في اجتهادهم عندما عبد اليهود العزير والنصارى عيسى والمجوس النار والهندوس البقر. هذه هي السياسة، هكذا فعلت بهم، هكذا تربوا على السياسة فما سخت عقولهم. يقول أبو مالك حفظه الله: لو كنت أمام هذا للطمته لطمة وقلت له اجتهدت فأخطأت. Écoutez cet égarement de l'une des têtes d'Yel Ikhwan, qui est prof dans une université, dans un pays arabe. Il dit à un de nos frères lui dit à ce prof Khwanji, qui est un allumé d'Yel Ikhwaniya, il dit: Rafida, hein, dis-je des choses et traite Aïcha de l'adultère, et le fait de critiquer Aïcha, et de parler ainsi de Aïcha qui est notre mère, et qui est la femme du prophète, on n'accepte pas qu'une femme soit traitée d'une sœur, comment on l'accepterait de la mère des croyantes, et l'amour du prophète, la femme que a aimé le prophète, et qui a été le plus aimé du prophète, si Ikhwani, regardez cet égarement, regardez cet allumé des Ikhwani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Shia ont fait des efforts d'interprétation, ils ont fait une erreur. Cela veut dire, traiter Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui est notre mère, la traiter comme quoi il a commis l'adultère, c'est cela, c'est l'Ikhwan, c'est un effort d'interprétation. Donc dans ces cas-là, il faut excuser les juifs quand ils ont adoré l'Uzair. Dans ces cas-là, il faut excuser aussi les juifs, les chrétiens quand ils adorent Isa, excuser le Majus quand ils adorent Nar, excuser les hindous quand ils adorent les vaches. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui ont été éduqués dans la politique et qui n'ont pas été éduqués de la sunna, sur la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Leurs raisons ont été défigurées. Et Cheikh Abou Malik de dire, si j'étais devant lui, je lui aurais donné une forte claque. Je lui aurais dit, j'ai fait une interprétation et je me suis trompé. J'aurais fait de même. Ou هذا الرجل يدرس سبل السلام في الجامعة، فقال له الأخ: عندما تهيئ الدروس هل تنظر في كتب السنن؟ فأجابه: أكون مغفلا إذا نظرت فيها وأشغلت نفسي بها. نعم كما سمعت أيها الأخ الكريم، فهذه استهانة عظيمة بكتب الحديث وأمهات السنن، فالسياسة مسخت عقولهم. وهؤلاء حقا مغفلون مفلسون، كما قال إمام اليمن ومحدث الديار اليمانية الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: هؤلاء مفلسون، مفلسون في كل شيء، مفلسون في العلم، مفلسون في السياسة، مفلسون في الدعوة، مفلسون في السنة، مفلسون في كل شيء. Et cet homme-là qui a dit cette phrase-là de Aïcha de Rafida, celui-là il enseigne Subul Salam dans l'une des universités arabes. Et ce frère lui a dit: quand tu prépares tes cours pour Subul Salam, est-ce que tu vas chercher, tu fais des recherches dans les livres d'Yel Sunan? Sahih al-Bukhari et les autres livres d'Ihya al-Sunna. Il a dit, je serais insensé si je regarde dans ces livres et si je perds mon temps dans ces livres. Oui, tu l'as bien entendu, frère en Allah Azza wa Jal. Oui, c'est la réalité. C'est une réalité, Akhal Islam. Comme tu l'as entendu. Et ceci, c'est quoi? C'est ne pas donner de l'importance aux livres d'Ihya al-Sunna et négliger les livres d'Ihya al-Hadith et la source de la Sunna la négliger. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si y a ça, la politique a défiguré leur raison et a couvert leur raison. Et Aoula, et en réalité, ce sont des insensés. Et ce sont des gens qui ont fait faillite dans tous les domaines. Comme il a dit Imam al-Muhaddid du Yaman, Cheikh Mukbil, ce sont des gens al-Muflisoun, al-Ikhwan al-Muflisoun. Ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite dans la Sunna. Ils ont fait faillite dans la politique. Ils ont fait faillite dans le social. Ils ont fait faillite dans tout. Il y a une seule chose là qu'elle fait, la dissertation. Ils sont des excellents, des beaux parleurs et des embobineurs de première classe. Ça, ils ont cette capacité-là. فهذه هي التربية الحزبية تعطيك هذه النماذج الممسوخة وآخر من هؤلاء الذين تخرجوا من مصنع الإخوان يقول وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد إخواننا السلفين الدعوة ما هي إلا قضية ماركتينج وهذا يمثل المسلمين بشمال فرنسا فإنا لله وإنا إليه راجعون. Et ça, c'est l'éducation des hizbi, frère en Allah Azza wa Jal. Il te donne ces exemples et ces modèles défigurés et ces mauvais modèles. Et voici l'un de leurs derniers qui est sorti de l'usine d'Yel Ikhwan. Il dit, d'un côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, à l'un de nos frères salafis, la da'wah, ce n'est qu'une question de marketing. Le marketing, c'est apprendre comment voler les gens et comment faire dépenser les gens. Est-ce que ça, c'est la da'wah? Est-ce que ça, c'est la da'wah? La da'wah est venue pour sortir les gens de l'adoration des tombes et de l'adoration des statues et de la servitude des hommes vers le fait d'être serviteur d'Allah, vers le fait d'adorer Allah. Il les a sortis des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme et de la mécréance, des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi. Et des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science et vers la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Yahadu, ils disent, l'histoire, la da'wa, ce n'est qu'une question du marketing. Et celui-là, il représente les musulmans du nord de la France. Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on demande qu'il nous protège et qu'il fasse que nous soyons dignes de la voix de nos puiseurs d'Allah Alim et qu'on soit constamment jusqu'à la fin de notre vie sur cette voie et qu'on défende cette voie comme il se doit avec science et clairvoyance et sagesse inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu likum wa jazakumullahu khairan.